Deuxième livre de Samuel, chapitre 10. Or il arriva après cela que le roi des enfants de Ammon mourut, et Hanun son fils régna en sa place. Et David dit, j'userai de gratuité envers Hanun, fils de Naa, comme son père a usé de gratuité envers moi. Ainsi David lui envoya ses serviteurs pour le consoler de la mort de son père. Et les serviteurs de David vinrent au pays des enfants de Ammon. Mais les principaux d'entre les enfants de Ammon dirent à Hanun leur seigneur, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père, que David t'a envoyé des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître exactement la ville, et pour les pieds afin de la détruire, que David a envoyé ses serviteurs vers toi ?» Hanun donc prit les serviteurs de David, et fit raser la moitié de leur barbe, et couper la moitié de leurs habits jusqu'aux hanches, puis il les renvoya. Et ils le firent savoir à David, lequel envoya au-devant d'eux, car ces hommes étaient fort confus, et le roi leur fit dire, « Tenez-vous à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe soit revenue, et alors vous retournerez. » Or les enfants de Ammon voyant, qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, envoyèrent pour lever alors des pans 20 000 fantassins des Syriens de Beth-Rehob, et des Syriens de Tsoba, et 1000 hommes du roi de Maaca, et 12 000 hommes de ceux de Tob. Ce que David ayant appris, il envoya Joab et toute l'armée, savoir les plus vaillants. Et les enfants de Ammon sortirent, et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte, et les Syriens de Tsoba, et de Rehob, et ceux de Tob et de Maaca, étaient à part dans la campagne. Et Joab voyant que leur armée était tournée contre lui, devant et derrière, prit des hommes d'élite entre tous ceux d'Israël, et les rangea contre les Syriens, et il donna la conduite du reste du peuple à Abisaï son frère, qui le rangea contre les enfants de Ammon. Et Joab lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me viendras délivrer, et si les enfants de Ammon sont plus forts que toi, j'irai aussi pour te délivrer. Sois vaillant, et portons-nous vaillamment pour notre peuple, et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qu'il lui semblera bon. » Alors Joab et le peuple qui était avec lui s'approchèrent pour donner bataille aux Syriens, et les Syriens s'enfuirent de devant lui. Et les enfants de Ammon voyant, que les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent aussi de devant Abisaï, et entrèrent dans la ville, et Joab s'en retourna de la guerre contre les enfants de Ammon, et vint à Jérusalem. Mais les Syriens voyant qu'ils avaient été battus par ceux d'Israël, se rallièrent ensemble. Et Hadadézer envoya, et fit venir des Syriens de delà le fleuve, lesquels vinrent à Élam, et Sobac, chef de l'armée d'Hadadézer, les conduisait. Ce qui ayant été rapporté à David, il assembla tout Israël, et passa le Jourdain, et vint à Élam, et les Syriens se rangèrent en bataille contre David, et combattirent contre lui. Mais les Syriens s'enfuirent de devant Israël, et David défit 700 chariots des Syriens, et 40 000 hommes de cheval, il frappa aussi Sobac chef de leur armée, qui mourut là. Et quand tous les rois serviteurs d'Hadadézer, eurent vu qu'ils avaient été battus par ceux d'Israël, ils firent la paix avec Israël, et leur furent assujettis, et les Syriens craignirent de plus secourir les enfants de Ammon.